Oui, je leur en veux. Écoutez. Vu le coût de la vie à Paris, il faut bien que les élus complètent leurs revenus en travaillant pour le privé, Rachida Dati. Professeur Vaseline, dans votre entretien précédent, vous pointiez le résultat de l'enquête gouvernementale, 82% des Français estiment que les politiques ne s'occupent pas d'eux et agissent principalement par intérêt personnel. Question, pourquoi rien ne change alors que l'immense majorité des citoyens rejettent si unanimement et si catégoriquement nos élus? La bonne question serait plutôt, pourquoi n'en changeons-nous pas? À nos yeux, tellement échaudés, tous nos élus sont suspects. Cette méfiance qui devrait être mortelle pour eux, est mortelle pour nous parce que nous ne voyons plus d'où l'espoir peut venir. Imaginez que, par miracle, un homme généreux et sincère émerge d'un parti et, se présentant à nos suffrages, dise « Mon ennemi, c'est la finance. » Qui le croira? Je n'aime pas les riches. Qui n'en rira pas en voyant celui en place régalé, d'illustres convives, à 3000 euros le repas? Qui ne rit pas en voyant notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, se démener pour créer un « palais du goût français » et pour ce projet, inviter à tour de bras, mobiliser nos 160 ambassades, etc. Car, la « destinée des nations » dépend de la façon dont elles se nourrissent. Ça c'est profond comme le vide. Profond à en pleurer. Pleurer que le panache et l'apparat des salons motivent plus que secourir de pauvres subsahariens qui s'obstinent à ne pas vouloir mourir de faim chez eux. Le problème est bien là, on ne juge celui qui veut entrer en politique qu'au miroir de ceux qui ne veulent pas en sortir. Et comme ces derniers ont pollué ce que la politique pouvait avoir de grand dans la conviction, de noble dans l'élan, d'efficace dans la générosité, ils nous ont aussi pollués. Nous ne pouvons plus voir un candidat pour ce qu'il est mais pour ce que tous les autres sont. Derrière toute décision politique, nous cherchons le vice ou le ridicule d'une marotte de nantis, devenue affaire d'État. Je leur en veux de nous avoir pollués, je ne leur pardonne pas d'avoir tué la politique en donnant une image de merde. En les voyant vivre dans un monde où l'égoïsme est un art de vivre, en les voyant sans respect pour l'argent public, sans retenue pour leurs intérêts, sans égard sauf pour les riches, nous nous sommes convaincus que nous n'avons plus rien à espérer de ce système, sauf le détruire. Quoi qu'on pense des dérives de la Révolution française, ces représentants du peuple ont risqué leur vie pour leurs convictions. C'est autre chose qu'être affolé à l'idée de quitter le confort des salons de la République et trembler que ceux des grandes fortunes leur soient aussi refusés. Car, vu le coût de la vie à Paris, il faut bien que les élus complètent leurs revenus en travaillant pour le privé. Comment s'étonner que la seule réaction des citoyens, c'est de tous les mettre dans un même sac et jeter tout ça à l'eau? Les dictatures naissent ainsi. Vous écoutez les infos de Radio Parasite. Grosse bise numérique.